Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous allons parler météorites en compagnie de Luc Labenne. Bonjour Luc. Bonjour Alain. Vous êtes, j'ai du mal à vous te présenter parce que je dirais, vous êtes d'abord marchand de météorites puisque vous êtes le patron de Labenne Météorites qui est une société privée qui commercialise des météorites sur le marché mondial. Mmh. Mais vous êtes surtout et d'abord un passionné de ces cailloux tombés du ciel. Alors, une question très simple, c'est d'où vous vient cette passion ? Cette passion, en fait, ça a commencé tout petit, déjà à ramasser des cailloux dans les chemins. Alors, je me souviens tout petit, chez mes grands-parents, ils habitaient un HLM, et autour, vous savez, il y avait ces chemins avec plein de gravier, plein de petits cailloux. Et là, je passais des heures, mais vraiment des heures, à regarder chaque caillou. Alors, je cherchais pas des météorites à l'époque, mais je cherchais des fossiles, voilà. Bon, des minéraux, il n'y a pas de minéraux, mais des petits fossiles. Parfois, je trouvais un morceau d'oursin, et là, je regardais dans un petit livre que j'avais, j'étais juste ravi. Donc, je dirais, ça a commencé là, la passion de regarder par terre, de ramasser les cailloux. Voilà. On vous regardait bizarrement, vous? Non, ça va, comme j'étais enfant à ce moment-là, bon, ouais. C'est tout. Je pense qu'on faisait. Cherche des billes. Oui, voilà, on faisait pas trop attention à moi à ce moment-là, mais voilà, ça a duré pendant très longtemps, et c'est vrai que j'ai continué aussi. Moi, j'étais inscrit dans un club dans l'Aisne, en fait, pour chercher des minéraux et fossiles. Donc voilà, ça a été quand même jusque l'adolescence. Et puis aussi, finalement, il y a l'astronomie qui s'est greffée à ce moment-là. Ce que j'ai fait à l'époque, l'été, mes parents m'ont payé, là j'ai eu beaucoup de chance, des stages d'astro. Alors j'en ai fait un à Toulouse, c'était la SAP, je crois, c'était d'astronomie populaire à l'époque. Enfin, et puis j'ai fait aussi un autre stage d'astro. J'ai plus été dans une ferme dans la Drôme, j'ai oublié le nom. Enfin voilà. Donc là, c'est à ce moment-là, il y a l'astronomie qui s'est greffée un peu dessus. Et finalement, tout ça, je dirais, c'est combiné un peu plus tard. J'étais étudiant à ce moment-là, je pense vers 18-19 ans, et puis mon père, en fait, passait beaucoup de temps dans les déserts et pour faire des raids, et je l'accompagnais de temps en temps, et j'ai lu un article à l'époque où des météorites avaient été trouvées en Algérie sur des règles, vraiment en quantité. C'était quand même assez étonnant le nombre de météorites qui avaient été trouvées. À ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà, nous on sait, avec mon père, on est capable d'aller dans le désert, on sait se rendre dans le désert facilement, on va chercher des météorites, ça devrait pas être compliqué. Et vous vous souvenez de votre première météorite découverte par vous-même, si je peux? Alors oui, alors ça n'a pas été du tout pendant ces expéditions-là, parce qu'en fait, je me souviens, on a fait 3 expéditions, on n'a absolument rien trouvé, bon, si ce n'est des outils lithiques préhistoriques, mais pas du tout de météorites. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque, l'Internet est balbutiant quand même, je parle de 94-95, donc il n'y avait pas d'image disponible de à quoi ressemblait une météorite dans le désert. Donc je pense qu'à ce moment-là, on ne les a simplement pas vues. Mais la première météorite que j'ai vraiment découverte, finalement, c'était dans le désert d'Atacama, au Chili, sur la météorite dite de Dimilac. Donc là, c'est une petite palazite. Alors là, on s'est rendu avec mon père sur ce site-là. C'était un site connu, enfin pas extrêmement connu, mais en fait, il y avait eu des morceaux de trouvés un siècle auparavant. Et on s'est dit, voilà, on va aller chercher des morceaux de météorites. Et ça, c'était la première. Quel métier faisait votre père pour vous emmener aussi souvent dans les déserts? Alors, mon père était commerçant à l'époque dans le prêt-à-porter. Voilà, et c'était vraiment une... Donc, il se rendait souvent dans le désert. Et puis, finalement, moi, j'y allais assez souvent à l'époque. Même en moto, je faisais des raids en moto. Voilà. Alors, vous n'êtes pas devenu géologue? Parce qu'à force, non. À force de se pencher pour voir s'il y avait des cailloux, non. Vous êtes devenu médecin? Oui. La médecine, c'est venu un peu par hasard, finalement. Je peux pas dire que tout petit j'ai eu envie, voilà, d'être médecin. Ça n'a pas été ça. C'était, voilà, je commençais à faire des études, je me suis dit, médecine, ça me paraissait intéressant au niveau de la science, et voilà, la curiosité que ça pouvait éveiller. Donc je suis allé là-dedans. À aucun moment, c'est assez étonnant d'ailleurs, avec le recul, j'ai pensé à faire des études en rapport avec l'astronomie ou la géologie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. Enfin, voilà. Donc j'ai fait des études de médecine et j'ai exercé comme médecin, en fait. Hein. Voilà. Et puis ça ne vous a quand même pas quitté? Non, c'était toujours là, mais c'était vraiment à côté, je dirais. Et c'est cette première météorite au Chili, ça a quand même déclenché pas mal de choses, parce que d'avoir ça dans le creux de la main, Là, je dois dire, c'était, bon, c'était tout petit, hein, c'était quelques grammes. Mais je me suis dit, zut, c'est incroyable. Voilà, j'ai quelque chose dans la main qui vient de l'espace, qui est tombé là. Je suis au milieu d'un désert fantastique, en plus, que l'Atacama est vraiment magnifique, voilà, pour le ciel notamment. Alors, vous auriez pu les collectionner, simplement les empiler sur vos étagères à la maison en essayant d'avoir la plus belle collection qui soit et rester médecin. Qu'est-ce qui vous a fait, tout d'un coup, les vendre ? Alors, les vendre, au départ, c'était un souci, je dirais, bêtement économique. C'était pour financer les expéditions. Parce qu'on s'est quand même rapidement rendu compte que les expéditions sont assez coûteuses. Donc, c'était un moyen de simplement de financer ces expéditions et du coup d'être libre de partir, repartir assez rapidement. Cela dit, assez rapidement, on a eu un contrat avec une université en Allemagne où ils s'engageaient à nous acheter un fragment de chaque météorite que l'on découvrait. Donc, mais à un prix fixe. Voilà. Et ça aussi, ça participait au financement des expéditions. Quel intérêt ? Alors, pour l'université, du coup, ils avaient un échantillon de chaque météorite que l'on découvrait pour un prix qui, à l'époque, était vraiment très, très raisonnable. Mais le prix était fixe, quel que soit l'intérêt de la météorite. C'est-à-dire qu'ils pouvaient tomber sur une météorite chondrite ordinaire qui sont, somme toute, assez courante ou des météorites beaucoup plus rares, voire planétaires. Pour le même prix. Donc, ils avaient un échantillon de tout. Nous, ça nous permettait d'avoir une classification de chaque météorite, savoir ce que l'on avait trouvé, et éventuellement le proposer à d'autres scientifiques qui souhaitaient travailler dessus. C'était une affaire de famille chez vous, la recherche des météorites, puisque vous dites « on ». Oui, alors oui, parce que il y avait donc mon père, mon frère. Pendant très longtemps, on a fait beaucoup d'expéditions à trois. Bon, il se trouve que maintenant, nous ne sommes plus qu'à deux avec mon frère, mon père faisant autre chose. Mais ça a toujours été une passion de famille quand même. C'est vraiment un partage en famille. Ouais. Vous dites désert d'Atacama pour la recherche donc, en Amérique du Sud, oui. Donc au Chili. Hein, on sait que c'est là où est installé le VLT, en tout cas pour les astronomes amateurs et professionnels. Oui. Quels sont vos terrains d'expédition, vos territoires ? Alors, rapidement, en fait, après le Chili, parce qu'on s'est rendu compte, au Chili, il y a cette météorite qui était connue de longue date. On a cherché un petit peu à l'époque, on a trouvé une chondrite. Mais on s'est rendu compte quand même que le terrain n'était pas très, très facile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de roches très sombres dans le désert Atacama, des basaltes, et qui gênent beaucoup la recherche des météorites. Puisqu'un des premiers critères, c'est une météorite est plus sombre que le terrain sur lequel elle se trouve, si on a un terrain qui est assez clair. Donc quand on a des morceaux de basalte, ça se prête assez peu. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on a décidé, enfin nous sommes allés plutôt en Libye, Mauritanie, Sud-Algérie, et là nous avons ce qu'on appelle des règles, donc des surfaces très blanches, qui se prête bien à la recherche de météorites. Donc très rapidement, je dirais, le terrain de recherche est allé en Afrique. Déjà, les expéditions, c'était plus facile, enfin, c'était moins coûteux. On pouvait y aller directement en véhicule. Donc, voilà. Donc vous avez commencé à donner des bases de la recherche. Un terrain plutôt plat, voilà, clair, qui permet de distinguer des roches plus sombres. Des roches plus sombres, plus sombres. Oui. Vraiment, dans 99 cas sur 100, de météorite est vraiment plus sombre que le terrain environnement. Si on a la chance d'être sur un terrain sédimentaire assez clair, mais je dirais c'est le critère de base. Si on trouve un terrain où il y a beaucoup de roches sombres, on change de zone. Il y en a partout de façon uniforme. Je dirais, vous avez des zones privilégiées de recherche. Alors, on s'est rendu compte, mais ça, c'est vraiment sur le terrain. On peut avoir des zones absolument fabuleuses, des zones plates, blanches, avec un petit gravier où on se dit, oula, ça va être extrêmement facile. Et là, on peut très bien ne rien trouver sur des surfaces énormes. Alors que juste à côté, on va trouver très rapidement de nombreuses météorites, mais des fragments différents, donc des chutes différentes. L'explication, je pense qu'elle est finalement assez simple, c'est que dans ces terrains, on ne trouve rien, c'est probablement un creux, ce qui fait qu'il y a un comblement du creux, et finalement, les météorites sont posées sur les surfaces dures, c'est-à-dire à ce moment-là enfoncées. Alors, le tout, c'est de trouver ces zones de déflation, c'est-à-dire des zones qui ont été soufflées par le vent et sur lesquelles, finalement, les météorites sont posées sur la roche dure. Donc ça, avec l'habitude, on arrive à les repérer, mais au départ, c'était un peu au pif. Là, vous rentrez d'expédition. Oui, lundi dernier, enfin, pas ce lundi, passé celui d'avant. Donc là, c'était au Moyen-Orient. Donc dans une zone typique comme je viens de décrire, c'est on a des terrains sédimentaires très clairs, plats. C'est un désert à cet endroit-là qui est très, très ancien, dans le sens où on a des accumulations de météorites vraiment sur plusieurs centaines de milliers d'années. Vous l'aviez déjà repéré celui-là ? Oui, oui. Alors, il n'y a pas que nous qui avons cherché à cet endroit-là. D'autres ont cherché. Parce que c'est comme les coins cèpes, ça. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Et puis, je trouve qu'il y a, ça, on peut comparer avec les champignons aussi au niveau de l'œil qui s'aiguise au fur et à mesure. Puisque c'est vrai que les champignons, au départ, on ne les voit pas. Il suffit d'en voir un et on voit rapidement les autres. Et les météorites, c'est effectivement un peu pareil. Là, ce désert-là, donc, nous sommes restés une dizaine de jours. Et pour donner une idée de ce que l'on peut trouver du temps passé, parce que souvent, on me pose ces questions-là, le nombre de météorites, les surfaces. En fait, on roule, en gros, cette fois-ci, c'était 8 heures en véhicule, 8 heures par jour. Sur 8 heures, on fait une centaine de kilomètres. Donc, on roule assez lentement. On roule entre 20 et 30 km heure, mais sachant qu'il y a de nombreux arrêts, finalement, on a une petite moyenne. Donc, le but, c'est voilà, chacun d'un côté, le conducteur et le passager, chacun regardant de son côté. Bon, le conducteur regarde aussi devant lui, c'est mieux, hein, même si on roule doucement, c'est pour éviter les cailloux, les crevaisons. Et voilà, on balaye alors une zone. Nous, on pense qu'on est efficace sur 100 mètres de chaque côté. À peu près. Et là, dès qu'il y a un caillou noir, on s'arrête, on ramasse le caillou et on regarde de près si ça peut être une météorite ou pas. Et là, vous en avez trouvé ? Alors oui, on a trouvé finalement assez peu de météorites, puisqu'on refait des zones qui ont été déjà faites par nous ou par d'autres. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de chercher aussi beaucoup à pied. C'était possible cette saison-ci, parce qu'il faisait moins chaud. Et aussi la nuit. Et surtout. La nuit. Oui, oui. Et on ramasse des choses plus petites. Oui, alors ça, au début, on s'est un petit peu moqué de nous là-dessus. Je pense que ça ne va pas durer parce qu'en fait, on a un excellent contraste à la nuit. C'est-à-dire que la nuit, on cherche non pas en véhicule. Hein. Bon, en gros, on fait notre recherche avec le véhicule la journée. Donc, on roule à peu près ces 8 heures sur la journée. Avec un peu de chance, on peut trouver une, deux météorites sur la journée, parfois zéro. Hein, voilà. Et le soir, quand le soir arrive, à ce moment-là, bon, on mange quand même. Hein. On fait un petit campement, on mange dans le désert. Hein. C'est tranquille, on a un ciel fabuleux en plus. Et puis là, on prend des lampes frontales, alors, ou soit des torches, mais les torches, vous savez, avec les LED hein, qui ont une lumière très très blanche. Hein. Et là, on a un contraste qui est fabuleux, bien meilleur que le jour. Parce que le jour, on est toujours embêté avec le soleil. Suivant l'angle de vue, il y a des ombres portées avec le soleil, ce qui fait que des cailloux peuvent avoir l'air noir, sombre en tout cas, alors qu'ils ne le sont pas. On n'a pas du tout ce problème la nuit, parce que là, on dirige la torche devant soi. Alors évidemment, la surface prospectée est bien moindre. Évidemment, là, on balaye sur quelques mètres de large. On marche lentement, évidemment, c'est une marche à pied. Par contre, ça permet de regarder des cailloux beaucoup plus petits. Là, on a décidé de ramasser à partir de 5 à 10 grammes. On ramasse, si ça a l'air d'être sombre, s'il y a déjà un bon critère, et on regarde de près. Donc là, on a changé un peu la méthode. Puis du coup, ça augmente les temps de recherche, parce que du coup, on cherche la nuit aussi. Quel type d'objet vous avez trouvé là, typiquement ? Alors, les météorites les plus courantes sont les chondrites, donc qui constituent vraiment un très très grand pourcentage des météorites découvertes, donc les chondrites ordinaires. Là, les chondrites ordinaires, c'est le premier critère que l'on avait. Enfin, le premier, c'était la couleur sombre. Et je me souviens, au tout début, l'outil, c'était numéro un, c'était l'aimant. Donc, une pierre était sombre. Soit elle a une croûte de fusion, c'est-à-dire une croûte noire qui montre que cet objet est rentré dans l'atmosphère. À ce moment-là, c'est évident, on ne se pose même pas la question. Soit, malheureusement, ce qui se passe souvent dans le désert, la croûte est partie avec le vent de sable qui érode la météorite. Donc, à ce moment, on sort l'aimant. Si l'aimant se colle dessus, en général, c'est un très bon critère pour être une météorite. Maintenant, si on veut trouver des choses différentes des chondrites ordinaires, vaut mieux avoir d'autres critères que l'aimant. Puisqu'il y a des météorites lunaires, et des météorites martiennes, qui sont vraiment les objets qui me passionnent le plus. Et là, évidemment, l'aimant est complètement inefficace et même déconseillé à utiliser. Et quel est le critère pour une lunaire ou une martienne alors ? Alors là, c'est très difficile à expliquer parce que, bon, le fait que la roche soit plus sombre, ça marche aussi pour les météorites lunaires. et les météorites martiennes. Maintenant, il se trouve que dans ces déserts où les météorites peuvent être très anciennes, là, on ne parle plus du tout de croûte de fusion. D'ailleurs, bon, là, c'est un podcast, on ne peut pas voir, mais je pourrais te montrer tout à l'heure donc, une météorite martienne lunaire que je viens de trouver. Il n'y a pas de croûte de fusion, voire quasiment pas. Donc, le critère, après, c'est d'en avoir vu, d'en avoir trouvé. Il y a des minéraux quand même, des fragments de minéraux différents dans les météorites lunaires, chose que l'on ne trouve pas sur les roches sédimentaires sur lesquelles on cherche. Donc c'est pas un caillou comme un autre, non, dans un environnement voilà, classique. Il faut se dire, voilà, ce caillou-là, il n'a rien à faire là. En fait, c'est un peu ça. Alors, il y a beaucoup de feeling, mais il y a quand même l'œil qui s'aiguise au fur et à mesure des trouvailles. Mmh. Je dirais que pendant 4-5 ans, les 4-5 première recherche, 4-5 premières années, il n'y a aucune chance qu'on trouve une météorite lunaire ou martienne parce qu'on aurait pu nous les mettre sous le nez, on ne les aurait pas ramassées à ce moment-là parce qu'on n'avait pas l'œil qui s'était fait. Maintenant, au fur et à mesure des expéditions, on augmente nos chances de trouvailles, mmh, et on ne les laisse plus passer, quoi, en gros. Ça reste quand même rarissime, en tout cas pour les lunaires et les martiennes. Oui, oui, parce que en fait, on parle de actuellement, là, il y a une centaine de météorites lunaires découvertes, mais ce qui représente 50 chutes de météorites lunaires, hein, parce que parfois on peut trouver plusieurs morceaux, mmh, de la même météorite lunaire. Donc on parle de 50 météorites lunaires différentes, mmh, pour l'ensemble du globe, ce qui n'est, mmh, pas beaucoup. Pour les météorites martiennes, on est à 80 échantillons, mmh, et à peu près une cinquantaine de chutes différentes. Mmh. Donc ça reste des objets très rares, puisque pour l'ensemble des météorites, on parle de 30 à 40 000, enfin je ne suis plus vraiment les chiffres, mais 30 à 40 000 météorites différentes répertoriées, donc le pourcentage est, mmh, très faible. Mais je pense que c'est un problème de pouvoir les reconnaître, il y en a sûrement plus. Ça vous arrive aujourd'hui d'apprendre par une dépêche, un journal, qu'une chute importante est arrivée sur Terre et de prendre un billet d'avion et de foncer en vous disant bah, voilà de la matière fraîche, je sais les reconnaître, voilà le périmètre, je suis sûr d'en trouver. Alors moi je ne fais pas ça, c'est pas que ça ne me tente pas, mais bon, j'ai vraiment des, parce qu'on est un peu timide, on est finalement assez peu à faire ça, et j'ai des concurrents, je dirais néanmoins amis, qui effectivement, dès qu'une info de cette nature tombe, se rendent sur place. Moi, comme il m'est assez difficile de me libérer, finalement, alors, hormis, c'est évidemment, voilà, si ça tombe pas trop loin de, enfin, en France, on va dire, bon, je pense que là, je m'y rendrai sans aucun doute. Mais sinon, non, je ne fais pas ça. Quand on regarde vos zones de prospection, traditionnellement, c'est le Sahara, les grands déserts. Et là, c'est, oui, vrai qu'on se dit, bah, aujourd'hui, en ce moment, avec les problèmes d'intégrisme, etc., les zones se restreignent. Ouais, et puis ensuite, ces pays, vous avez parlé de l'Algérie, mais on peut aussi parler du Maroc, de la Tunisie, etc. Les législations se sont durcies, j'imagine. C'est pas si simple que ça, aujourd'hui, de prendre sa voiture et d'aller dans le désert. Oui, ça a bien évolué ces dernières années. Alors, surtout au niveau sécurité. Là, effectivement, il y a beaucoup de zones en Afrique du Nord où je n'irai plus. C'est vraiment malheureux, mais au niveau sécurité, dans toute la partie d'Afrique du Nord, je n'irai plus dans le désert dans les conditions actuelles. Ça, c'est la première raison, c'est la sécurité. C'est vrai que le plus dangereux dans le désert, malheureusement, c'est toujours la rencontre humaine. Quelqu'un de mal intentionné, c'est pas le désert lui-même, enfin, si on est bien préparé, le désert est, voilà, pas très dangereux. Maintenant, il y a aussi des législations, alors ça se durcit, je dirais oui et non. Il y a beaucoup de fantasmes là, je pense. Donc l'Algérie, il semblerait qu'il y ait une loi, moi je n'ai jamais vu cette loi, qui interdit la recherche de météorites en Algérie. Maintenant, dans les choses qui sont vraiment connues, le Canada par exemple a une loi qui est finalement assez simple et assez saine, c'est-à-dire qu'ils ont un droit de préemption, une météorite qui est trouvée sur leur territoire, donc ils ont un droit de préemption pour l'achat en premier, mmh, en tant que patrimoine, et une fois ce droit de préemption passé, à ce moment-là, il faut une autorisation d'exportation. Moi, j'ai certaines météorites qui proviennent du Canada, pour lesquelles j'ai un document d'autorisation d'exportation, ce qui peut prendre 6 mois, 1 an, voilà, mais c'est possible. Si dans mon champ en Normandie, je trouve une météorite, elle m'appartient ? Alors, si le champ vous appartient, oui, en totalité. Si vous le trouvez, alors oui, voilà, c'est plutôt plutôt sympa. non, en France, c'est plutôt bien fait. Il y a l'exemple de la météorite de Mondieu qui a été trouvée dans les Ardennes sur un terrain, sur une forêt domaniale, donc où là, il y a eu un partage de la trouée, 50% pour l'État puisque c'était domanial et 50% pour le découvreur. Géré comme ça, personnalisé, c'est très bien. Maintenant, si vous le trouvez sur votre propre terrain, c'est à vous. Alors, certains chercheurs de météorites ont formé dans les déserts les habitants de ces déserts, oui, les nomades, etc., oui. à la recherche, puisqu'on leur a montré, ils ont utilisé la même technique que vous, finalement. Voilà. On apprend à les reconnaître. Prenez tout ce qui est suspect, montrez-nous, et puis finalement, on a rendez-vous une fois tous les 6 mois, on regarde ce que vous avez et on vous les achète. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez ? Alors moi, assez peu. Alors il m'arrive parfois, donc là on parle des nomades, c'est vrai que ben, les nomades sont sur le terrain de principe 24 heures sur 24, hein. Donc ces populations qui nomadisent, finalement, ont un œil qui s'est exercé assez, vraiment très rapidement, hein. C'est vrai qu'il y a 10 ans, voilà, ils ne savaient pas à quoi ressemble une météorite. Maintenant, je pense que tous les nomades dans le désert regardent les cailloux, ben, en tout cas savent à quoi correspond le météorite, que c'est un caillou noir. Donc maintenant, il y a beaucoup de trouvailles provenant d'Afrique du Nord. Alors, ça provient probablement de l'Algérie, de la Mauritanie, essentiellement, et du sud Maroc, mais finalement assez peu du Maroc. On a parlé de contrebande de météorites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors là, sur la contrebande, moi je dirais que ça représente les sommes en jeu pour les météorites, ça représente tellement peu. Enfin, par rapport, si on parle de contrebande d'armes ou autre, on est dans d'autres échelles. Donc, je ne vois pas bien comment on pourrait parler de contrebande pour les météorites. Enfin, moi, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ça fait des revenus supplémentaires pour les nomades. Alors, il est vrai qu'au début, les météorites étaient vendus très peu cher par les nomades. Maintenant, ils sont très bien renseignés, ils savent ce que ça vaut. Et ils vendent à des prix où je pense qu'ils sont satisfaits. Oui, ça ne s'échange plus contre un collier en plastique. Non, ça c'est vraiment révolu. Ça. Mais ils ont un œil fantastique. Et il m'arrive, en dehors de ce que je trouve, d'acheter des échantillons auprès de nomades ou auprès d'intermédiaires. Il y a eu des météorites absolument fantastiques qui ont été trouvées par les nomades. Ouais. Pour conclure sur cette recherche dans les déserts, hein, oui. Est-ce qu'il reste, à votre avis, beaucoup de choses à trouver ? Parce que ce que vous nous démontrez là, c'est que finalement, vous allez maintenant vers les petits objets, peut-être même ce qu'on n'a pas trouvé autour de la grande découverte d'un météorite de taille respectable. Oui, parce que donc, au niveau de l'Afrique du Nord, donc, voilà, c'est, à titre privé, c'est risqué. Maintenant, il reste quelques déserts, notamment en Oman, qui sont d'excellentes zones, mais depuis maintenant 10 ans, Oman a été parcouru en long, large et en travers par des chercheurs de météorites, chasseurs de météorites. Et maintenant, je dirais, toutes les trouvailles évidentes ont été faites, à mon avis. Donc c'est pour ça que maintenant, on cherche les objets plus petits. Maintenant, il reste, par exemple, l'Arabie Saoudite avec le désert du Rub al-Khali, qui est probablement une zone fabuleuse. Maintenant, c'est un désert qui est très difficile d'accès. Et là, pour le coup, on se retrouve rapidement isolé du monde. Donc, il reste probablement des zones très riches en météorites, mais vraiment peu accessibles. Alors, c'est pour ça que nous refaisons les zones déjà faites, mais en regardant les cailloux plus petits. Voilà, c'est notre technique.